ils arrivent à mettre les mots sur les trucs. Sur les trucs que je ressens, tu vois. Voilà. J'arrive tout ce que parler. Je ressens. Il a dit tout. Il a tout dit. C'est la vérité. C'est la vérité. Et c'est qui part, on va mettre ça. Attends, non. Attends, mais tout est en équilibre, c'est incroyable. C'est le podcast de l'équilibre. La balance parfaite dans la force. Bonjour à tous. Bonsoir à tous. Et bienvenue. Bonsoir, bonjour, bonsoir. Effectivement, ici, il fait nuit. Et peut-être que vous écouterez ou vous regarderez ce podcast plus pendant pendant la nuit, peut-être. Donc, bonne nuit à tous. Bonne nuit ou alors le matin. Le matin, bah, bonne journée. Bonne journée même, à, tous. À même le lit, tu vois, bah, à la manière de quelqu'un qui se réveille finalement. Bah, moi, la première chose que je fais quand je me réveille, c'est que je lance un épisode de La Bonne Franquette. Bon, du coup, ce qui est chiant, c'est que ça me fait perdre quasiment une heure. Une heure à chaque fois. Lit, parce qu'en fait, c'est tellement. Bah c'est prenant quoi. Ouais, parce que c'est trop drôle, c'est très drôle. Et puis s'écouter, c'est quand même. Moi j'adore bien sûr. Me réécouter. Moi, pas, moi ça m'excite personnellement. C'est vrai ? Me réécouter, je me dis. Ouf, ah oui quand même. Oh, c'est un certain plaisir. Non mais en plus, c'est vrai qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui ont une routine maintenant tous les lundis. Quand on sort un épisode, c'est vrai. Donc c'est marrant de voir ça. Là on a pas de sortie d'épisode la semaine dernière. Exact. Et on m'a dit. Oh non, j'avais ma routine de La Bonne Franquette, épisode de Rick et Morty. Donc c'est cool. C'est marrant. Ça. Et même au-delà de ça, des fois on fait des soirées avec des gens et ces gens reprennent nos expressions. Oui. Donc c'est vraiment un truc de ouf. Et c'est devenu le langage courant pour eux. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont dire. T'es Gucci. Ouais, t'es Gucci, tu vois. Donc c'est marrant. Ça fait, ce qui fait qu'on est Gucci, encore plus Gucci. Oui, parce moi, que, bien sûr, toujours plus d'argent. Je suis extrêmement Gucci. Bah d'ailleurs, je suis venu en chemise. Regardez comme il est beau. N'est-il pas. Vas-y, recule un petit peu là. Fais un petit peu la tenue, la paire et tout. Vas-y, recule un peu. Vas-y, recule. Fais. Demande ton micro, recule. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Oui, parce que petite spécificité de cet épisode aussi, nous sommes debout. Exact. À la manière des plus grands youtubeurs de notre ère. Des stand-uppers, hein. Des vrais stand-uppers. Je sais pas si vous avez remarqué, mais. Eh, c'est pas un truc de fou quoi. En tout cas, il y a deux types de profs. Ça, j'ai remarqué. Ouais, il y en a un, genre il est sévère et l'autre. Pas l'autre, du tout. Ouais. Et, super calme, et très chill. Tu peux foutre la Zumba dans grave, toute la classe. Le souk. Incroyable. Mec. C'est le souk. Ouais, un petit podcast debout. On s'est dit que ça nous permettrait de nous dégourdir les gens. D'être un peu plus énergique. Ouais, parce que. Voilà. En fait, le principe, c'est qu'on va être en petite foulée comme ça pendant 55 minutes. C'est. Après une petite douche. Ça permet de. En pensant de transpirer un peu. Voilà, c'est ça. Là, on est bien. En tout cas, ouais, j'ai mis cette chemise parce que je l'avais mise hier et je me suis dit, comme c'est un podcast où il n'y a pas l'odeur encore. Ouais. Autant. Non, c'est bien, tu penses aux spectateurs, mais pas à moi, quoi. Voilà, donc ça fait. Bah, toi, il faut bien faire des sacrifices, quoi. Ouais, pour c'est avoir. Vrai, c'est vrai. Le principe de l'échange équivalent, on n'obtient jamais rien sans sacrifier quelque chose. Exact. Hashtag Full Metal Alchemist. Oh. Ah, très bon manga, un des meilleurs. J'ai jamais regardé. Alors, on a une petite backlight bleue. Pourquoi Pourquoi est-ce qu'elle est bleue? Bah pour faire référence à mon micro. Bien quoi. Sûr, parce on que c'est un épisode qui tourne autour de toi. De moi. On est vraiment dans la joie. Yes. Non, c'est faux. Aujourd'hui, c'est on va parler de Facebook. Le grand Facebook. Si exact. Vous avez plus de 40 ans, vous avez probablement bah, un donc jour. 100% des utilisateurs de Facebook. Voilà. Exactement, puisqu'il n'y a plus de jeunes sur Facebook. Ça va sur Messenger à la rigueur. Mais ouais. Voilà. Et la question que je me posais, Vincent, aujourd'hui, oui. Et à laquelle tu vas peut-être pouvoir répondre, peut-on sauver le monde grâce à un j'aime Facebook ? Enfin, non. En fait, lâche un like. Non, mais en fait, c'est une question qui m'est venue parce que en réfléchissant à Facebook, moi, c'est un truc qui est... Maintenant, on a vu la naissance de Facebook, on a vu son pic et on a vu sa chute parce qu'aujourd'hui, Facebook, c'est clairement en chute. Tu vois. Ouais, clairement. Et du coup, ça nous a accompagnés pendant très longtemps. Et je me souviens d'un truc extrêmement cancérigène. Oh là là, quelle horreur! Que nous détestions tous, qui était une photo d'un petit Africain en sous-nutrition. Voilà. De la peau sur les os, un truc terrible, ignoble. Une vision de l'enfer voilà. Terrible. Avec écrit en gros. Phrase. Un j'aime égale. Un soutien. Voilà. Oh là là, on quelle s'en souvient horreur, tous de ça, horreur. Je pense. C'était insupportable. Mais c'est fou quand même de se dire, d'être la personne qui met ça en ligne en se disant « Putain, ça va gratter les likes. » Ça va cliquer, ça. Oh là là. Je vais être célèbre grâce aux petits Africains. Ah non, mais c'était... Eh bien, on va vous retrouver. On va vous retrouver et on va vous empêcher de manger, vous aussi. Après, il y a des petits malins qui ont eu quand même l'idée de détourner ça en mode un j'aime égale une page Facebook en moins de soutien. Tu vois, des trucs comme ça. Ouais. Genre, ils contournaient le truc pour avoir des j'aime aussi. Ouais. C'était un peu la guerre aux j'aime sur Facebook. Et ce qui est marrant, c'est que il y aura de moins en moins cette guerre. Attends, mais tu danses là. Oui. Bah, je suis debout. Donc, tu es Mario Party. Tu es toi-même Mario Party. Non, mais Mario Party, très bon jeu à 4. Waouh, excellent, on se marre bien. Bref. Attends, c'est un placement produit, ça. Oui. Attends, mais je suis pas au courant. Non, mais tu touches le chèque toi-même. J'ai dépensé beaucoup d'argent pour avoir des manettes en plus et un jeu en plus, donc. Tu dépenses sans compter. Non, mais plus sérieusement, ce qui me fait plaisir en plus récemment, c'est que bientôt Instagram va couper les compteurs de likes à tout le monde, donc ça va mettre beaucoup moins de pression sur notamment les jeunes qui s'identifient beaucoup par rapport à ça et qui cherchent la validation sociale à partir d'un certain nombre de likes. Suis-je liké? Si on me like, ça veut dire que je m'aime. Non, pas du tout, ne tombez pas dans ce piège. Et non. Bien sûr, ce sont des plateformes de réseaux sociaux. Personnellement, alors, moi, je n'aime pas les réseaux sociaux parce que c'est extrêmement chronophage. Ça, oui. Très souvent négatif. Ça, oui. Et c'est même pas beau, t'as vu l'interface de Facebook? Non. plus sérieusement, la troisième chose, c'est vraiment peut'être que ça rentrerait dans le deuxième, le côté négatif. De quoi? C'est quoi vraiment l'envergure pression sociale qu'il y a par rapport à ça. Ouais, alors je suis d'accord. Après, moi, j'ai tendance à préférer des réseaux comme Insta, où du coup, tu peux suivre un peu qui tu veux, avoir des belles images. Bah ouais, mais c'est pire Facebook, parce que normalement, Facebook, ça devrait être mieux, puisque tu es ami avec des gens que théoriquement, tu connais. Ouais. Alors que Insta, bon, tu peux très bien suivre par exemple Booba et voir, tiens, quelle personne va-t-il encore clasher aujourd'hui? Voilà. Bah oui, serait-ce Caris, serait-ce la fouine, une caresse, une petite caresse. Oh, il doit caresser au moins ses enfants. Enfin, attends, mais d'une manière platonique et totalement paternelle. rien de sinistre. rien de sinistre. Hashtag James Bond Casino Royale. Ah oui, et oui. Je me disais bien que j'avais entendu ça quelque part. Hashtag Daniel Craig, hein, toujours. Bah oui, qui va faire son dernier James Bond. Quand je mourrai, quand je me serai suicidé, tu mettras sur ma tombe hashtag Daniel Craig, s'il te plaît. Non, je ferai une page Facebook et je mettrai un j'aime également. un soutien pour... pour Quentin. Pour moi. Donnez-moi des likes du soutien. Non, mais en vrai, par contre, ce que je fais sur Facebook en ce moment, parce que... Il y avait beaucoup de... C'est un scroll infini. Je ne sais pas si vous le saviez, mais sur Twitter, par exemple, quand il n'y a plus de tweets à afficher parce que c'est par ordre chronologique des tweets, bah, tu retombes sur d'anciens tweets que tu as déjà lus. Alors que sur Facebook, l'algorithme est fait de manière à ce que le scroll soit vraiment infini et il y a du nouveau contenu tout le temps. Donc, ça ne s'arrête jamais. Attends, mais tu as réussi à atteindre la fin des tweets sur Twitter ? Non, pas la fin. J'ai vu le tout premier tweet. Le tout premier tweet qui était test. Je passe vraiment beaucoup trop de temps dans mon lit. Trop de temps sur les réseaux. Le matin, c'est insupportable. Non, mais... Demain matin, je me lève tôt. Quoi? Et non. Et pas du tout. Merci, réseaux sociaux. Car il y a les réseaux. Non, voilà. En fait... autre auvergure. Non, attends, j'ai dit chronophage. Oui. Donc le fait j'avais pas fini, moi. Ah si, t'as fini. Non, ah si, clairement. Et alors du coup, Snapchat. Alors moi, j'aime pas Snapchat. Attends, mais je suis poussé hors de l'écran. Un gag visuel qu'on ne peut pas faire quand on est assis. Incroyable. Exactement, bravo. Formidable. Alors, on passe vraiment au niveau supérieur. Le summum de l'humour. Vous êtes sur le meilleur podcast. Le meilleur. Hashtag toujours excellent. Toujours excellent. Mais non, ce que je veux dire, c'est qu'en ce moment, je remarquais que j'avais beaucoup d'amis sur Facebook qui ne sont plus du tout dans mon cercle d'amis. Genre des gens du lycée ou du collège, etc. Et en fait, leurs publications ne m'intéressaient pas du tout. Pas du tout. Et du coup, en fait, j'ai découvert assez récemment qu'on pouvait rester amis, mais se désabonner des publications. Comme ça, t'as plus l'actualité de la personne. Et du coup, maintenant, à chaque fois que je vois une publication de quelqu'un que je ne fréquente plus, je désactive ça, et je me désabonne. Mm-hmm. Je me désabonne. L'actualité de la personne. Voilà, je me désabonne de son actualité, et du coup, j'ai un fil Facebook beaucoup plus clean, et je passe moins de temps dessus, en fait, parce que j'ai les infos... En même temps, je sais pas si même en dehors de ça, est-ce qu'on passe encore du temps sur Facebook, parce que à la rigueur sur Messenger, parce que on écrit aux gens, tu vois, mais Facebook en soi, il y a vraiment rien à y faire, tu vois. Ouais. Genre, même les pages Facebook qui étaient pourtant une plaque tournante du marketing il y a encore quelques années. Alors il y a encore quand même pas mal de campagnes marketing qui marchent à ce niveau-là pour la vente de produits, de formations, de trucs comme ça. Il y a un chat, hein. Vous ne le voyez pas, mais il y a un chat qui fait ses griffes actuellement. Et c'est adorable. Bah, c'est trop. Est-ce qu'on l'entend dans la mine? Non, je pense pas. Bref, et du coup, effectivement, il y a, ça marche encore Facebook. En vrai, il y a quand même un gros public là-dessus. Mais je pense que, notamment auprès des millennials, plus trop, de la nouvelle génération, par contre, les gros boomers. Ouf. Eux, ils sont sur masse. Ils sont là. Et je pense aussi encore les communautés dans les pays qui sont moins développés qu'ici. Ah, genre l'Inde. L'Inde, ce genre de choses, ça doit vraiment encore bien marcher. Je reçois des fois des demandes d'amis d'Indiens et je me dis, mais comment? Comment? T'es comment es-tu tombé? T'as même pas le même alphabet que moi et tu tombes dessus. Ah là là, ça c'est la puissance des Indiens. Hein. De Internet surtout. Ah, c'est vrai. Plus que des Indiens. Mais ouais, en fait, le vrai problème... À moins que tu sois une vache sacrée. Auquel cas, je comprends. Je suis pas une vache sacrée. Je suis pas une vache du tout. Ah, si t'es une vache tout court, d'ailleurs. Bah, c'est vache de me dire ça. Blanc. C'est vache de me dire ça. Excellent, ça. Hein. Allez, toujours excellent. Mais non, le vrai problème, c'est qu'il y a que plus de 40 ans maintenant sur Facebook, ce qui entraîne le vieillissement de la plateforme. Non, mais ce qui fait que... Attends, mais tu es analyste démographique. Ah, moi, je dénonce. Je suis sur ton blog, là. Tu es sur mon créneau, surtout, là. Attention, fais gaffe. Hein. Ouais, bon, j'écris des articles, des fois. Entre personnes subversives, on se fait clairement la guerre. Parce que dénoncer pour lever le peuple, ok, mais que certains d'entre nous, ok, personne d'autre n'a cette gloire. Ouais, c'est vrai. Attends, on tombe dans les travers de ce qu'on essaie de démontrer. Oh, merde. Non, en fait, ce qui est vraiment très, très gaulerie avec Facebook, c'est de voir les publications. C'est ce genre d'expression, d'ailleurs. De voir les publications des parents. Je vais te le dire, j'ai détesté. Hein. J'ai gaulerie. Non, mais j'ai dit c'est ça pas, au tu dis degré. Encore une fois ça, je te bannis. Attends, mais c'est claqué au sol. Je te bloque. C'est éclataxe. T'as sorti hier soir, éclataxe. C'est vrai? Oui. Mais j'étais sous aussi. Tu étais... Oui. J'essayais de faire un euphémisme, mais clairement, mais l'alcool clairement était présent. Après, bon, j'ai quand même fini deuxième à ma répartie. Quoi. Ouais, j'ai quand même fini premier. Donc, après, bon, t'as eu la chance à cause des bonus à la fin, mais bref, on va pas partir là-dessus. Allez, arrête de pleurer. Non, ce qui me fait rire, c'est vraiment les publications de... Pire, tu vas un mouchoir, peut-être. Les publications de Daron, moi, ça me fume, parce que c'est gaulerie. Allez, bon, j'en ai marre. Yes, ça devient mon propre podcast. Enfin, c'est ce que je cherchais depuis. Le et non. Joyeux Hanouka. Non, mais on a par exemple mon père. Mon père me fait rire. Est-ce qu'on dénonce ton père? On dénonce un peu. Attention, hein, c'est un homme politique. On s'attaque quand même à... On n'est pas politisé, je rappelle. C'est juste parce que c'est son père. Oui, mon père est un homme politique. Très connu, bah, c'est Emmanuel Macron. c'est un maire de village. Et il avait mis une photo sur Facebook l'autre jour où il était avec Monsieur Debré, qui est je crois, ministre de l'Intérieur, je ne sais plus exactement, donc une personnalité politique française. Mmh. Et il a mis une photo avec lui et il a mis belle rencontre avec Monsieur Debré et machin. Et quelqu'un qui est normalement dans ses amis, qui est aussi un maire de village, ouais, a écrit en commentaire: toujours plus de politique. Tout cela est très bien. Mais je pense que je connais beaucoup mieux mon ami maire de Salbar, mon père, que Monsieur Debray. Non, c'est tout juste bien pour la photo que j'ai toujours refusée, car je pars du principe que je n'appartiens à personne. Et je me suis dit, mon père a juste fait une photo avec un gars qu'il aime bien, et il reçoit quand même des critiques, en plus de la part de quelqu'un avec qui il est ami. Et je me dis, j'ai quitté Facebook, quoi. Et t'as bien fait. Bah, après... Là, on parle quand même de politique, tu vois. Étant donné que c'est quelqu'un d'autre sur l'échiquier politique qui la critique, il peut y avoir quand même des kilocritiques, il peut y avoir une certaine tension quand même, tu vois, parce que cette personne, on connaît pas son historique. Qui est-elle? D'où vient-elle? Je te connais pas, je sais pas qui tu es. je sais pas qui tu es. Je peux pas te faire confiance. Je sais pas d'où tu viens. Non, ouais. Mais voilà, à force, on est plus chez nous. Quoi? Référence aux inconnus. Oui, aux inconnus. Vive la France. Non, en plus, vraiment, on a vraiment du bleu, donc juste le Front National. Non, pas du tout. Vraiment rien. On fait juste des blagues, nous. Il y a pas de. Non, rien du tout. Et attends, mais on est en bleu. Moi, je suis en chemise. Il manque plus que. Regarde, il manque bleu, plus que blanc, rouge. Vous avez la signification. Vous l'avez. Mais... D'ailleurs, j'en profite pour dire, parce que là, c'est un format audio diffusé en vidéo sur YouTube. Exact. Mais il y a des gens aussi qui nous écoutent sur Spotify et Apple Podcast. Ça sera bientôt sur Deezer, mais en tout cas, on est présent aussi sur ces plateformes. Puisque le problème avec YouTube, c'est que bien souvent, on regarde la vidéo, donc on ne peut pas tout faire à la fois. Alors, Moi, je suis pas d'accord. Parce que tu peux mettre la vidéo. En tout cas, tu seras pas d'accord après que j'ai fini de parler. Mais t'avais fini là. Non, pas du tout. Si t'avais pas fini. Du tout. Clairement, pas du t'avais tout. Fini. Pas du tout. Pas du tout. Bon alors fini. T'es non, mort, non, c'est bon, j'ai plus envie. Hein non, plus sérieusement, c'est vraiment le truc des enfants, ça. Oui, bah quoi. Non. Mais je voulais faire ça. Bah vas-y, fais-le. Non, j'ai plus envie. Non mais voilà, ce flux audio est disponible du coup aussi sur Spotify, Apple Podcast, bientôt Deezer, et ça permet par exemple de l'écouter en faisant la vaisselle uniquement. Alors par contre, vous perdez le côté audio et parfois les gags visuels qu'on fait, des choses comme ça, comme par exemple quand on a fait, tu sais, le podcast avec Lisa et qu'on avait mis OT et je sais plus quoi voilà. Sur les canettes d'un thé glacé dont voilà. On ne citera pas la narque. Oui, la narque. Je suis narcotrafiquant, c'est pour ça. Ah, okay. Je vois la drogue partout. Non, mais ouais, vous loupez quelques gags visuels si vous écoutez sur exactement. Spotify, malheureusement. C'est dommage pour vous. Mais vous moi, êtes je voulais. Les vrais fans. Hein. Je voulais parler d'autre chose aussi. Parce que les vrais fans, ils nous regardent et ils nous écoutent partout tout le temps. Oui. Les vrais fans, ils mettent Spotify, Deezer et YouTube en même temps. Ça, okay. Faites du streaming, oui. on veut le disque d'or, merde. Bah moi c'est ce que je fais avec YouTube, c'est pour ça qu'on a quand même quelques centaines de vues. Non, on a une centaine de vues par vidéo, mais c'est parce que je les regarde en boucle en fait. C'est bien ça sûr. Le. Bien sûr. Je voulais pas te le dire. Ça fait. Parce que je voulais que. Ça tu... fait mal. Non mais ce qui me fume. Ce qui Encore. Je vais te fumer. T'es un saumon. Moi c'est les. Ah, les caricatures politiques. Ouf. Je déteste ça. Oh là là. Et mon père, on balance souvent. Du genre, là, il y avait, monsieur Chirac qui nous a quittés. Feu monsieur Chirac, il y a quelques mois, non, quelques semaines. Et, le temps passe vite. Hein. Et mon père a publié un truc où on a Chirac qui arrive au ciel. Jésus lui dit « Salut, moi c'est JC ». Et Chirac répond « Oh !» C'est marrant, moi aussi. Et mon père qui a commenté, c'est bien lui ça, trois petits points. Pour lui c'est vrai que c'est clairement un prank à la Jacques Chirac. Ça. J'adorais. Il aurait pu dire ça à Jésus. Hein, il sûr était à tellement dans ce mood. Oh moi aussi, c'était vraiment oui, sa blague quand préférée. Quand il dit moi aussi. Bien sûr, évidemment. Ah bah là oui. Là. Mais ça c'est vraiment, il y a que des. Que ça fait rigoler qu'une certaine portion de la population. C'est vraiment de l'humour de niche. De niche. Tu vois. C'est vraiment genre. Déjà l'humour politique. Horrible. Non, ah. J'aime beaucoup. J'aime quand c'est bien fait. J'adore ça. C'est vrai. Vraiment. Par exemple, Haroun. Ah oui, Haroun, qui est excellent là-dedans. Et on a aussi parfois du. Qui on peut avoir du. Comment il s'appelle? Du Jérémy Ferrari. On peut avoir du Kayron, du Coluche à l'ancienne. Non, c'est intéressant. Mais ce que j'aime bien aussi, c'est que ça peut être vecteur vraiment d'un message. En fait, ce qui est bien avec l'humour comparé à toutes les autres formes de communication, c'est qu'on peut faire rire les gens, donc c'est agréable quoi qu'il arrive. Et en plus, tu peux avoir des sous-messages politisés. Ouais. Ou en tout cas dénonciateur et sans pour autant prendre parti. Tu peux soulever un truc, par exemple grâce avec je sais pas de l'humour noir ou du second degré, tu vois, tu peux souligner un truc et pointer du doigt. Voilà et sans pour autant dire bon après vive la gauche, tu vois. Tu peux oui. Vraiment juste dire bah, attends ça c'est pas normal. Sans pour autant dire ce que je fais c'est mieux, tu vois. Et ça voilà. C'est bien. Je suis d'accord. Et en plus, ça évite tout ce côté... Quand on est en guerre contre des idées, bien souvent, et malheureusement sur les réseaux, je trouve que c'est la forme principale de dénonciation, c'est la culpabilisation des gens qui font partie de ce camp, tu vois. Par exemple, récemment, il y avait eu ce truc sur le Black Friday, tu vois, ce que je peux tout à fait comprendre, parce qu'effectivement, ça a produit des quantités énormes de détritus en tout genre qui vont être détruits, abandonnés, qui vont polluer. Mais il y a aussi des gens, il faut se rendre compte, il y a une partie de la population qui ne peut pas acheter quotidiennement des choses et qui ont besoin de ces jours-là qui aussi. Qui attendent le Black Friday parce que on peut pas ne pas consommer en fait, tu vois. Il faut même pour mon métier, tu vois, récemment j'ai quand même pas mal de matos audiovisuel, mais j'aime mon métier, tu vois, donc il faut que j'achète ça. Et le Black Friday, moi aussi, ça me permet d'avoir certaines choses moins chères, des choses qui te permettent de faire du meilleur taf. Exactement. Et voilà. Il ne faut pas être tout le temps sur la... Effectivement, il y a des problèmes. Il y a des choses, mais pointer du doigt en disant « c'est pas normal, il faut changer », ça n'apporte aucune solution, en fait. C'est juste participer au problème, en fait. Parce que si tu soulèves quelque chose et que tout ce à quoi ça te sert, c'est de dire « oh, c'est triste et c'est pas normal », ben, ça ne sert à rien, en fait. Autant apporter une vraie communication, un vrai échange et une vraie... pourquoi pas même une vraie solution. C'est vrai. Voilà. Ouais, souvent beaucoup de problèmes sont pointés, mais aucune solution. Peu de solutions, c'est vrai. Après, Facebook. Ben justement, oui. Ouais, les réseaux sociaux. Moi, ce que j'adore avec les vieux sur les réseaux, c'est leur manière d'écrire. Mm-hmm. Vraiment, je trouve que c'est quelque chose d'assez unique. Ils ont un langage qui leur est propre, où la ponctuation n'a plus aucun sens. Pour eux, c'est vraiment... plus tu mets de points d'exclamation dans ta phrase, plus ça... je sais pas... C'est spécial. Je vois de potentiellement qui tu peux parler. De temps en temps, il y a des points d'exclamation avec des points d'interrogation, avec des points, plein de points. Après, il y a des espaces avec des points. Je pense que c'est le novlang. Tu connais George Orwell? Je connais de... certains trucs, tu vois. T'as lu 1984? Non. Eh bien, justement, dans 1984, il y a tout un truc. En fait, on est dans une dictature et les gens ont inventé un langage pour parler, tu vois. Ce qui s'appelle le novlang. Non, c'est pas les gens qui ont inventé ça. C'est l'État qui a inventé ça pour supprimer des mots comme ce qu'a pu faire le nazisme, tu sais, en brûlant les livres, ce genre de choses, tu vois. Ouais. Pour limiter, en fait, les courants de pensée et tout ça. Et en fait, c'est le novlang. C'est une nouvelle langue qui a émergé grâce aux réseaux sociaux et qui est incompréhensible, sauf pour les gens qui la parlent, en fait. C'est un message. C'est un message codé. Mais en plus, ils se comprennent entre eux. C'est incroyable. Bisous.a.bientôt.biz.cordialement Claude. ça n'a plus aucun sens. En plus, je comprends pas parce que espace, il y a une touche pour ça, en fait. Voilà, oui. Oui. Encore quand il fallait faire, quand les tu mets un double, SMS. Double espace, ça met point espace. Ouais. Mais ça veut dire que t'appuies deux fois sur espace. Oui. Alors pourquoi? Que tu veux juste un espace. Oui. Donc pourquoi appuyer deux fois sur espace? Pourquoi ils appuient deux fois sur espace et pas deux fois sur les lettres? Je pense que c'est les astronautes en herbe. Ouais. Il y a que cette solution. Ils adorent l'espace. Plus, en fait, les points, c'est les étoiles dans leur phrase, tu vois. Ça fait voyager pour moi. Mais en plus, des fois, ça montre pas l'émotion qui doit passer par la phrase qui est dite. Par exemple, ta maman, une fois, m'avait écrit sur Facebook parce que j'étais invité pour manger des bonnes bolognaises. C'était tranquille, très, très bon. Tranquille, ça fait plaisir. Et elle m'avait dit... je lui avais dit « Est-ce que tu veux que je ramène quelque chose pour demain ?» Et elle m'a dit... La politesse, tu vois, l'amabilité de dire « C'est très gentil de m'inviter entre amis. » Je peux ramener quelque chose. Puis-je participer à cette célébration ? Exactement. Ce à quoi elle a répondu « Non, point, à demain, point. » Tout en minuscule. Il n'y a même pas de « Bonjour, merci, non merci. » Et moi, je l'ai très mal pris. Le soir même, j'ai pleuré. Ah, je comprends. Mais oui, bon, c'est... Ouais, c'est... Alors que c'était pas... C'était c'est pas méchant. Loin d'être méchant. Après, bon, en fait, c'est marrant parce que je trouve qu'en France, on a soit le penchant où on est irrespectueux as fuck, tu vois, pas de bonjour, rien. Des fois, je reçois des messages de gars qui veulent un clip. C'est... attends, c'est quoi le dernier, mec? Je viens d'en recevoir encore. Pas bonjour, pas bonsoir. Il y a rien, pas de merci, machin et tout. Tu vois, c'est des rapports sociaux, tu vois. Oui. Donc, et il a écrit, j'ai un son, tu pourrais me le filmer en freestyle Insta comme celui-là. Et il m'a juste envoyé... celui-là, S-U-I-S. Oui, bon, j'ai parlé des fautes, bien sûr. Mais bon, après, ça, les fautes, en soi, c'est pas grave. Tu vois, voilà. Mais la bienséance. Mais juste, en fait, le respect. En fait, oui, le respect. Tu vois, même si on ne collabore pas ensemble, il y a du respect. Et ça, c'est important, le respect. Exact. Toujours le respect. Toujours. Mm. Et puis surtout, effectivement, quand c'est la première fois que tu parles à quelqu'un, juste dire, imagine, on fait la situation, ok ? Oui. Tu fais le réalisateur, je fais le rappeur. Oui, bah je me balade comme ça, voilà. Voici un clip. Tu peux faire la même chose en freestyle instant. Vous me faites peur là, monsieur, vraiment. Ah, bah c'était mort. Tu l'es. Je comprends. Non, mais c'est un peu ça, tu vois. Alors que maintenant, j'avais une trentaine de clips, tu vois, avec tout plein de gens différents. Tout plein de milieux différents, oui. Tout plein de textes différents, tout plein de mentalités différentes. Et ça m'énerve toujours ce genre de truc parce que vraiment, pour moi, c'est typique de quelqu'un qui n'arrivera pas à percer dans cette industrie parce que c'est quand même une industrie très compliquée. Et quand tu travailles avec des gens, la moindre des choses, c'est vu que t'es pas ami avec eux, t'es pas ami avec tes collègues, tu vois, tes collègues avec. Il faut au moins le respect, et quand il n'y a pas le respect de base, c'est compliqué de travailler, et voilà, c'est ouais, bah oui. C'est se fermer des portes toi-même, c'est bête. Quand t'es irrespectueux, personne ne veut travailler avec toi. En fait. Exactement. Ouais. Exactement. Comme si une entreprise ne payait pas les factures alors que les boulots sont faits. Quoi ? Couis-je ? Ça dénonce un max. La vie d'entrepreneur. Aïe. Le seul vrai gros problème avec l'entrepreneuriat. Ouais, c'est vraiment c'est en fait, il y a une timeline parallèle où toutes tes factures sont envoyées et de temps en temps, les univers se joignent et elles arrivent. Ah, c'est de l'argent. T'en entends pas parler pendant 6 ans et au fait, la facture, ce sera pas cette fois. Oh en fait. Non. Ah, je rigolais là. Non, c'est pas vrai. Et après, un mois après, bon, là, voilà. Alors que, par contre, eux, quand ils ont besoin travail, évidemment. Bonjour, c'est extrêmement urgent. Oui, okay. Il nous faut ce travail pour demain matin. Ça va être dur. On compte sur toi, d'accord. Je vais vraiment faire une nuit blanche pour voilà vous. Le brief. Merci beaucoup. Ok, je vais faire ma nuit blanche. Hop, la c'est nuit parti. Passe. Je reviens. Oui. Alors, c'est fini. Oui, c'est terminé. J'ai réussi merci à. Merci beaucoup. Tout faire. Super. Allez. Hop. Ok. Ensuite, bon. C'est terminé. Okay. Fin du game. T'en entends pas parler pendant 3 semaines. Voilà. Et tout d'un coup, ils reviennent. Oh, c'est super urgent. il faut les retours. 1 milliard de retours, alors qu'ils n'ont rien dit. C'est terrible. Et après, t'envoies ta facture une fois le travail terminé. Et là, silence radio. Quoi ? Il faut payer, en fait ? Écoute ça. C'est les entreprises qui... c'est les entreprises qui pensent... qu'ils sont en train de penser à te payer. Et comme on t'entend rien, c'est qu'elles ne pensent pas. Il n'y a rien du tout. Non, c'est terrible. C'est vraiment... pourtant, franchement, j'adore la vie de freelance, mais ça, c'est insupportable. Ah oui, c'est horrible. Ouais, c'est vraiment le seul truc où je me dis à chaque fois... on n'est pas vernis. On n'est pas... Et on est... Attends, putain... Hélène Séga, c'est ça que tu veux dire ? Non. On est Ségolène Royal. Encore la politique ? Allez, j'arrête. Non, par contre, on fait une vraie pause. À tout de suite. À tout. Damn ! Ça y est, on est de retour. On est de retour pour vous jouer un mauvais tour, comme d'habitude. Bien sûr. En fait, le meilleur des tours. On ne devrait pas dire qu'on est de retour, parce que pour eux, il n'y a pas de retour. C'est juste qu'on a continué à discuter normalement. C'est vrai. On devrait limite... C'est en fait les coupures. Dans la phrase. C'est ça. Les coupures les moins discrètes du monde. Oui. Alors, il va y avoir une coupure. Là, dans 3, ouais, attention. 2... Ah, attends, je m'inscris. Oui. 3, 2, 1. La coupure. Alors, attends. Ok. Hop là, c'est bon, c'est coupé là. T'es déjà prêt? Ouais. Nickel. Oui, je suis prêt. Ok. Salut les amis. Attends, mais non, on l'a déjà fait. Attends, merde. Vraiment insupportable le truc. On est les pires. On est les pires. Ça les me fume. Hein, c'est claqué au sol ce podcast. Exactement. Et non, car c'est le meilleur podcast. Allez, exactement. Je vais me suicider. Hashtag. Hashtag toujours excellent. Hashtag toujours excellent, bien sûr. Ah là, on a déjà bien divagué, mais ce qui me fait rire aussi sur les réseaux sociaux par rapport ce qui te fume, à... ce non, qui est ce gaulerie. Qui me fait rire tout seul. C'est y a pas, y a rien. Y a pas, y a rien ce de gaulerie. Ce qui me fait rire. Point. Bah, cette attends, phrase n'a pas de sens. Ce qui me fait rire. Vous, ça vous fait rire ça, ou pas alors. Non, mais ce qui me fait rire, c'est les comptes Insta. Là, on peut parler d'Insta. Oui. Les comptes Insta de motivation. Ouais. Tu vois, il y a toujours des phrases. C'est alambiqué. Moi, pour avoir lu beaucoup de développement personnel, de trucs comme ça, je trouve ça vraiment cool. C'est très intéressant et même c'est important, tu vois, d'avoir une certaine motivation et tout. C'est cool. Mmh. On a tous besoin de personnes qui nous motivent. Mais il y a certaines phrases. Attends, je sais pas. Je dois avoir des trucs. Si tu recherches et que tu fais motivation, je pense que très vite tu j'en retrouverai. Je me demande si j'ai pas des archives de ça parce que c'est vraiment. Attends. Motivation. Ouais, c'est les trucs du genre. Il ne faut pas sourire au lendemain en pensant au passé, mais seulement être aware de la situation. Attends, alors. Attends. If you can... Attends. Vas-y, meuble pendant que j'en trouve d'autres. Vas-y, j'essaie de meubler. Alors, ouais, la motivation, bah, c'est quelque chose d'important. J'ai retiré exactement ce que t'as dit. Ou alors, attends, là, je viens de tomber sur un truc qui s'appelle citation du Joker. Oh. Ok. Attention, donc c'est motivant ou c'est C'est anarchiste, probablement. Hein. Anarchiste et tuerie de masse. Ça a l'air plutôt drôle de motivation pour l'instant. On est Mais bon, c'est le Joker, oui. Le film était très bien. Voilà, donc on peut s'identifier au personnage et devenir... Au moins, il y a un petit danseur. Mais voilà. Donc là, c'est une citation qui vient du film. Hein. Oui. Et donc tu vas t'en souvenir directement. Parfois, on a juste besoin d'un peu de temps pour nous séparer de nos pensées. Quoi ? C'est pas dans le film du tout, ça. C'est pas du tout dans le film. Ça n'a rien à voir avec le Joker. Et même la phrase en soi n'a rien à voir. T'as besoin. Mais il y a quand même la photo du Joker. Voilà. Mais bon, et comme il y a le Joker. Quotes. Exactement. Joker quotes. Et en plus, les gens ils mettent yes. Des trucs. Ça veut rien dire. Ça veut dire en fait, en gros, t'as besoin d'un break, du flow d'informations permanentes. Mais oui, mais oui, ouais. Expliquer comme ça, ça n'a aucun sens. Ça n'apporte rien. C'est quelle est l'information en fait. Des fois, il faut juste sourire. Ouais. C'est tout. C'est motivé. Ouais. T'es motivé là ? Attends, on va trouver. T'es motivé là ? Oui, tu vas motivé à fond. Attends, on va trouver autre chose. Tiens, sur Joker Quotes encore. Oh, alors. Est-ce que. Il a mis la photo du Joker qui court. Ton cœur connaît la direction. Cours vers là-bas. Cours vers la direction. Bah, c'est pas du non, tout ton, de nouveau. C'est extrêmement mal traduit. Nous allons quand même rendre hommage à Joker Quotes. Donc, citation du Joker hein, qui vient du film. Oui, bien sûr. Ton cœur connaît le chemin. Ah, oui. Cours dans cette direction. Ok, donc si mon cœur me dit, vas-y, tue 150 personnes là, tout de suite là. Franchement, vas-y. Si ton cœur te le dit. Bon, bah écoutez. Ah, bien sûr. En plus, ça vient du film Le Joker. C'est quand même un film trop bien. Artistique, bah, oui, là, attends, donc, il faut y croire. Allez, vas-y. Croire, une petite dernière. Tes rêves, si tes rêves, c'est faire des tueries de masse, vas-y. Bah, exactement. Tue des gens. Ça fait plaisir. Et là, les gens qui vont couper les extraits de ce podcast vont dire tuer des gens. Et on va se retrouver sur Twitter en bad buzz. Mais bon, tous les mauvais buzz sont bons à prendre. Alors, attends. Qu'est-ce qu'on a Sinon, on a qu'à faire un podcast où on dit que des phrases choc. Comme ça, on est repris sur les réseaux. Et après, on dit ah, c'était une blague, en fait. On n'est pas vraiment raciste et du Front National et tout. Bah, si on a besoin de le justifier, j'adore les super-héros. Non, si on a besoin de le justifier, c'est que vous n'avez pas à être notre public, en fait. Parce qu'évidemment, c'est du second degré. Ah. Donc, si franchement, vous ne comprenez pas. Même si, bon, moi, je suis clairement du Front National. Quoi. Allez, bien sûr. Allez, Marine. On est tous bleu Marine. On est tous on bleu Marine. Bah, toi, t'es sacrément bleu, mon pote. T'en avais pas une, Marine ? Attends, mais en fait, j'essaye de vraiment trouver un exemple extrêmement marquant. Il y en a qui sont juste un peu niaises, tu vois. Là, oui. J'essaye de... Moi, ce qui... Travaille jusqu'à ce que Dubaï soit pas cher. Waouh. C'est... Bah, bien, bon. C'est... Ah non, attends. Ah non, attends. Travaille jusqu'à ce que tu sentes que Dubaï soit pas cher. Donc, la phrase a encore moins de sens. Ah, quoi ? Donc, il faut le sentir. Voilà, exactement. Ouh, ça sent le... Ça, c'est le prolétariat, ça. Ouais, ça, c'est le prolétariat. Ouh, les factures impayées, tout ça, j'adore. Bah, c'est bon. Non, nickel. Non, mais en vrai, le message, il est compréhensible derrière, tu vois. C'est-à-dire que, en gros, travaille jusqu'à ce que tu aies assez d'argent pour que tu sois à l'aise, tranquille. Voilà, pour que pas qu'un gros voyage, ce soit finalement un truc inaccessible, mais que ça devienne facile d'accès, quoi. Voilà. Alors, je pense que dans ce cas, le fait de Dubaï, c'est-à-dire les activités qui sont proposées là-bas, tu vois. Ah ouais. C'est-à-dire souvent les grands centres commerciaux avec, où tu trouves du des Gucci. Trucs très chers, voilà, des trucs comme ça, voilà. Des tours en lambeaux, ce genre de choses. En gros, ce que ça dit, c'est soit Gucci un peu. Ouais, c'est ça. C'est un... Et de l'argent. Attends, mais j'ai envie de faire un compte de motivation. Attends, et de l'argent. Mais ça, c'est. Ayez voilà. De l'argent en fait. Ayez de l'argent. Pourquoi vous n'avez pas en fait juste travailler en fait. Putain, c'est fort. Attends, qu'est-ce qu'on a. Mais les motivations de fitness aussi, elles sont pas mal. Des trucs du style plus tu soulèves lourd, plus ton muscle travaille et tu seras gros. Ouais, tu sens le gars qui l'a écrit, il était avec son shaker, tu sais, il était ultra musclé sur son petit laptop là. Ouh, la protéine. Non mais un bon shaker de prot, un plus, nouveau muscle apparaît sur ton corps. Le pire c'est que je suis sûr tu sais le muscle. Oula, wow. C'est un bouton ou un muscle. Non mais le pire c'est que je suis sûr que la plupart de ces comptes sont tenus par des agences de communication, oui, qui après s'en servent, qui après s'en servent soit pour transformer le compte en un autre truc, ouais, soit juste comme vecteur de communication pour vendre des produits machin. Je suis sûr que c'est même pas des particuliers. Mais ce genre de truc c'est vraiment nul parce que ça sert à quoi d'avoir une communauté qui quand tu vas complètement changer ne sera plus du tout la communauté intéressée par ce que tu fais. Enfin, le taux de le... J'ai... Quoi ? Vas-y. Je viens de tomber sur... Incroyable. Déjà, citation de Joker. Ouais. C'est... Bon, trouver ça sur Insta comme truc motivationnel, c'est spécial. C'est... Oui. Je viens de trouver un deuxième compte oh. qui a le même principe, qui s'appelle Motivating Joker. donc, le Joker motivant, finalement. Oui. Donc toujours un tuerie de masse, ce genre de choses, ça fait plaisir. C'est cool ça. Alors, là, c'est une citation motivante. Donc oui. Là, t'es motivé ou pas par Non, exemple pour l'instant. Ok, non, je vais te le dire, mec, tu vas être ultra motivé. Ouais, t'es prêt? Je suis démotivé. Attention. Je suis vraiment mauvais avec les mots. J'espère que t'es bon à lire à travers les yeux. Waouh. Tu sens la motivation? Je suis motivé de ouf. Ah, oh, j'ai envie d'arrêter ce podcast et d'aller travailler tout de suite. Attention parce que la motivation et l'incompréhension c'est quasiment le même, c'est très fin. Hein. C'est très T'es fin. Sûr c'est de la motivation ouais. et pas du tout de l'incompréhension parce que non. t'as rien dire. Okay. Non non non. Donc là t'es motivé? Là je suis motivé de Allez. Ouf. Tu vois là? Tu oui. vois? Oui. Ça c'est la direction que ton cœur oui. t'indique. Oui. Cours-y. Mais cours-y, comment vas-y. Tu sais qu'elle indique cette direction? Qu'il indique cette direction? Car je suis très bon pour lire à travers les yeux. Mais très mauvais avec les mots. Attention. Hein. Ça, c'est motivant. Ça, c'est encore de la motivation. Attends, allez. Tu veux pas qu'on... Faut qu'on fasse un compte motivation. Ça serait marrant. Un truc troll. Ah, la bonne motivation. Genre, on fait que des trucs, ça serait marrant. Oh non, merde, on a balancé l'idée. On va nous la on piquer. Le oh, ouais, non. On va le faire. On va le faire. Attends. Un dernier truc. LBF motive. LBF motive. LBF quote. Bah ça va, on va couper là, on revient dans 2 minutes. C'est ça la motivation. LBF quote. Salut. C'est un gros carré, salut. Alors aujourd'hui, on a un invité, c'est tout. Attends, tiens, j'ai un compte qui s'appelle Code Créatif. Donc là, on est vraiment sur de la création. Et pour prouver à quel point c'est créatif, c'est quelqu'un qui reprend des tweets, en fait. Donc, ça fait plaisir. Ah, c'est le même compte. Donc, visiblement, ils sont aussi sur Twitter. C'est la même chose. OK. Donc, en fait, ils produisent juste du contenu interplateforme et tout. Bon, pourquoi pas. C'est, marketingement, ça peut être intéressant. Alors, là, attention, j'ai un truc motivant. Vas-y, ouais. OK. Puisqu'il y a le hashtag motivation. Hein. Ah, il y a le hashtag amour aussi. Oh. Alors, dites-vous qu'il y a des personnes qui arrivent à ne pas avoir la moyenne en trichant. Quelle tristesse. Quoi? C'est motivant ça? Et c'est à destination des amoureux. Il y a vraiment écrit quelle tristesse? Oui. Dites-vous qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à avoir la moyenne en trichant, virgule, quelle tristesse. Bah ouais. C'est... Ça c'est vraiment le meilleur contenu d'internet. On a internet pour ça, ça fait plaisir. Non mais les... Oh, j'en ai une là. Hein. Si tu y mets le taf, c'est une question de temps. C'est vrai, c'est vrai, il n'y a pas du tout ton origine sociale, non. les personnes qui t'entourent, ton environnement actuel, est-ce que tu es dans un bon schéma de pensée, par exemple, est-ce que tu n'es pas du tout en dépression, enfin non, c'est vraiment juste la solution, quoi qu'il arrive, c'est juste travail en fait. Bah bien sûr. Juste travail, coupe tout, les loisirs, tout, il n'y a rien, juste travail. Ça va payer, mec. Ça va payer. Là, t'es motivé ou pas? Ah, mais je suis motivé de ouf. Surtout que j'en ai une, là. Bien sûr, lis-moi-en une. Alors, en fond, il y a une vidéo de football. Ok. Et ça, pour l'instant, je suis à l'inverse de motivé, là. Ah non, mais tu vas voir. Attention. Ça sert à quoi de persévérer? À ça, tout simplement. Hein? Bah, en fait, c'est juste ça la vidéo d'un but. À ça, au foot. Genre, ok. Ah. Donc, si tu persévères, tu deviens... Un pro footballeur, c'est ça? C'est... Ouais. C'est tu vois, Ronaldo, si tu persévères, c'est sûr que tu le battras. Ah bah, c'est sûr. C'est sûr et certain. 100%, faut juste persévérer. Franchement, 2-3 bons mois, tu fais du foot tous les jours. Du foot tous les jours. Et c'est sûr, Ronaldo, c'est de l'histoire. Je serai le nouveau Ronaldo. Allez, t'en as pas une autre là du foot là, j'adore le foot. Attention. Si tu n'es. Ah, attention, ouf, ça s'adresse aux haters. Hein. Oh là là là. Et, alors les haters, tenez-vous déjà, bien. C'est quoi? Oh là, attends. Ouais. Si tu n'aimes pas ce que je fais, mais que tu critiques tout ce que je fais, tu n'es pas un hater, tu es un fan. Ouf. Et ouais. Deep words. Bam, bam, bam, deep words. Ouh, ça réfléchit là-dedans. Hein. Attention, il y a du Socrate par ici, ça fait plaisir. Aristote. Lucius Malfoy. Non, comme ça. Sénèque, lettre à Lucilius. Voilà, Sénèque qui a fait lettre à Lucilius. Lucius Malfoy. Alors là, c'est très bizarre. Si on te dit que c'est impossible, point. Donc, attention. Si on te dit que c'est impossible. Mais attends, ça, c'est des comptes traduits, c'est sûr. Fais-le deux fois et prends des photos. C'est la pire chose. Tu vois l'Everest là. Ouais. Toi qui es en fauteuil roulant. Oui, impossible. Tu peux pas le faire. Quoi? Tu peux pas le faire. Tu sais quoi, j'allais le faire. Deux fois. Quoi? Impossible. Deux fois. Une fois, c'est déjà impossible. Je vais prendre des photos en plus. Ah ouais? Bah vas-y. Après, bon, c'était. T'es pas motivé là? Ah, je suis en fauteuil roulant. Ouais, ouais. Le gros loser de merde. T'es pas motivé, c'est tout. Oh putain. C'est vraiment trop bon ce genre de truc. On aurait pu faire, je pense, un épisode entier sur ce genre de truc. Vas-y, moi j'en trouve un dernier aussi, puis on arrêtera. Attends, mais ça là. Waouh, alors là, ça utilise le principe drôle du franglais. Ouf. If you don't prendre des risques, oh. You won't avoir your Mercedes AMG. Ouf, bien sûr, AMG. Parce qu'il n'y a que ça qui est important. Bah oui, bien sûr. Moi, le plus important, c'est d'avoir une Mercedes AMG. Genre, par exemple, Michael Phelps, excellent champion de natation. Oui. Lui, tout ce qu'il voulait, c'était une Mercedes, c'est sûr et certain. Zidane. Zidane. Mercedes. Bah, Merco, la Merco. Bien la sûr. Merco. Buzz Aldrin, premier homme sur la Lune. Oui. Pourquoi? Pour la Mercedes. Pour la Merco. Et bien sûr. Mettre la daronne à l'abri, quoi? Non, Mercedes. Non, la Merco. La daronne dans le coffre de la Mercedes. Quoi? Pourquoi dans le coffre? Non, bah juste, voilà, parce que le reste, c'est pour toi, attends, faut pas déconner. Ah, ok. Okay. On a besoin d'un espace vital quand on a... Tu rigoles ou quoi? Attends, moi, je suis riche pour la Merco, pas pour... Alors, j'ai... Attends, une dernière. Attends, je suis toujours sur Motivation France. Attends, je fais. Oh là là, Motivation France. Une image de Mario Kart. Ouais, et... ok. Et il y a marqué Nintendo a encore des cartes dans son jeu. Oh! Ça ne veut rien dire. Bah, t'es pas motivé là? Ah, je suis gamer à la rigueur, mais. Je me sens gamer. À la rigueur, j'ai envie de jouer, peut-être, mais. Justement, j'ai pas envie de bosser pour avoir une meilleure vie. J'ai envie de jouer aux jeux vidéo et donc perdre du temps et donc pas du tout travailler. Ah oui, bah oui. C'est une très bonne idée, ce compte. C'est pas, en plus, ça veut rien dire. Nintendo a encore des cartes dans son jeu. C'est une information. C'est pas de la motivation. Mario Kart, il y a des cartes dedans. Oui. T'es motivé ou pas? Bah oui. Bah voilà. Bah, donc ça marche. Si Nintendo a mis des cartes dans Mario Kart. Tu sais que dans Nintendo. Attends. Non, parce que là, j'ai quand même une information cruciale. Oui. Tu sais que dans Nintendo, il y a des chiens. Non. Si, mon pote. Tu peux même les promener. Quoi? Et ça, tu vois, c'est la motivation. Hein? Ça fait caca ou pas? Ah, oui. Ah, alors je suis motivé. Non, ah, si, ça, chi, tu vois, en fait, il faut prendre ça comme. Non, mais le message de ce truc, c'est que. Oui. Tu vois, en fait, il faut prendre ton chien pour te balader. Oui. C'est-à-dire sortir, rencontrer des obstacles, tu vois, de la vie. Voilà. Nintendo, c'est le meilleur jeu de motivation. Bien sûr, évidemment. Bah oui, évidemment, ça me semble bien. Non, mais. En fait, c'est juste un gars qui s'est dit. Oh là là, dans la vie, il faut avoir plusieurs cartes dans son jeu, tu vois. Il joue à Mario. Et du coup, attends, il y a un truc là. Mais en plus, ça veut rien dire, c'est ridicule. Attends. Toi, t'en avais une. Juste, j'en fais juste une dernière et après, on arrête, on passe à autre chose. Mais en fait, celle-là, elle me fait rire parce que. Enfin, tu vas comprendre. Il ne faut jamais s'excuser à personne s'ils comprennent mal qui tu es. Ce qui me fait rire là-dedans, c'est que le message, en gros, c'est. Tu vois l'ego que t'as là? Oui. Il est meilleur que tout le monde, en fait. Oui. Ok, oui. Donc, si, ça, okay. Si par hasard, t'écris un message et que la personne ne le comprend pas parce que c'est le principe d'un message, il y a du parasitage, il y a l'émetteur, le récepteur, tout ça. Bien sûr. Si lui n'a pas compris, c'est... Surtout, ne lui explique pas. Non. Ne lui explique pas. C'est de sa faute à ce gros con de merde. Voilà. Toi, tu as raison, tu es qui tu es. Mais tu envoies ton message. Attends. S'il n'est pas... Quoi, faudrait... Si faudrait te justifier parce qu'il a pas compris ce gros con de merde. Tu rigoles. Allez. Non, mais en plus, c'est terrible parce que imagine, tu t'appliques ça à une salle de classe. Oui. Je fais l'élève. Vas-y. Madame? Oui, je viens d'expliquer le. J'ai pas compris le calcul. T'as pas compris? Non. Il a pas... Les autres élèves, il a pas compris. Quoi ? Il a pas compris ce gros con. Non, mais c'est terrible. En vrai, c'est terrible. Oui, c'est vrai. Vraiment pas... En fait, c'est pour ça que le monde va mal. C'est que les gens, sous prétexte qu'ils ont été blessés une fois dans leur vie, ils vont totalement dire, tu vois, l'ego là, fais-toi une carapace. Ouais. Oui. Et surtout, faut que tu détestes tout le monde. Voilà. Comme détestes ça, eux-mêmes se feront des carapaces. Bien sûr. Et comme ça, plus personne ne se parlera, plus personne ne se comprendra. Mais t'as pas besoin qu'ils te comprennent. Non. Parce que c'est toi le meilleur. C'est ça la motivation. La vraie motivation, elle est là, mon pote. Ouais. Mais cette histoire de carapace, genre, moi, avec les années et les épreuves, je me suis construit une carapace qu'il est difficile de franchir. Mais au fond, je suis quelqu'un de sensible. Ah ! Éloignez-vous de moi. Au secours. Vous comprenez pas ce que je dis, donc. Rapport. Oui, oui, bien sûr. Bah oui, je suis motivé, donc j'ai compris, bah oui, t'inquiète. En plus, j'ai plusieurs cartes dans mon jeu, donc. Bah oui. Je suis venu en carte d'ailleurs. Bah en Mario Kart. En Mario Kart. Putain, ça me rappelle quand on était au Japon et qu'il y avait des gars en carte de Mario qui passaient dans la rue. C'était marrant ça. Mais par contre, le truc sur. Bon, après, moi, je suis un peu comme ça quand même. Tu vois, le fait de détester un peu. Enfin, c'est pas. Oui, si tu détestes tout le monde. Tu détestes tout le monde. Par exemple, les gens qui font des comptes comme ça, je les déteste. Oui. Là, il y a pas de, y a pas à réfléchir. Je déteste. Non, mais... C'est important, tu vois, de Motiver les gens à faire des tueries de masse. C'est ça ce que tu allais dire ? Non, mais toi, t'as pensé à ça. Donc, c'est-à-dire, c'est ce que tu penses ? Non. Ah, c'est ce que mon cœur pense. Mais du coup, je le. Eh bien, vas-y. Cours-y. En plus, ça te fera faire un peu de sport. Et là, on est motivé. Oh. Ah là. Qu'est-ce qu'on se marre. Oui, grave. On est gueulerie. Il est temps que cet épisode se termine. Non, mais on va doucement s'arrêter là. On a beaucoup déblatéré. 6-5 minutes. Non, en fait, je pense qu'on peut faire peut-être une petite morale. Oui. Les réseaux sociaux, c'est bien. Mais n'en abusez pas. Exactement. Comme toutes les bonnes choses. Comme toutes les bonnes choses. À part les pizzas. Ça, vous pouvez. Ça, c'est vraiment. Allez-y. Ça, 100% du temps. Franchement, si le meilleur réseau social, c'est une pizza finalement. Parce que ça se partage et ça fait plaisir. Et il n'y a pas de côté négatif. Oh, et ça, c'est la belle morale. Bien sûr, évidemment. C'est magnifique. Bien sûr. Mais j'y vais tout de suite. Là. En commander une. Prends-en deux. Probablement ce qu'on va faire juste après ce podcast. Le théorème de Pythagore. D'ailleurs, expliquons-le. Alors, le théorème de Pythagore, c'est le théorème qu'on a développé à Paris. Exactement. Qui explique que si vous devez manger une pizza et que vous voulez éprouver un maximum de plaisir, voilà. C'est pizza égale. Nombre de participants x 2. Donc si vous êtes 2, vous mangez 4 pizzas, c'est sûr. Vous êtes heureux. Là, vous êtes heureux parce que c'est la meilleure chose. Oh là là. Puis en plus, vous nous écoutez, alors là, vous êtes motivé et tout ça. Est-ce que ça se voit qu'on on fait un podcast juste avant de manger parce qu'on a très faim. Regarde, attends, mais c'est le rouge du pepperoni, ça. La tomate. Ça, c'est le bleu de. Du bleu, le fromage bleu. Oui, le fromage bleu. Le fromage bleu. Oui, ça serait bizarre. Il y a du colorant dans ce fromage. Aux US, ça doit exister. Il doit y avoir du fromage bleu pour les gamins US, et tout comme ça. C'est vrai. Il y a des. Attends, je rappelle que le soda petit, là, il fait 1,50 litre. On est allé. Bah, tiens, en parlant de Joker, quand on est allé à Londres. Mais on l'a raconté, ça. Ah, on l'a raconté à Londres, ouais. L'IMAX, ok, je me rappelle plus, ça fait très longtemps. Ouais, on avait regardé une séance en IMAX. Donc, pour les gens qui ne le savent pas, c'est une salle de cinéma où l'écran fait 8 fois la taille d'un écran normal. C'est une barre d'HLM en fait. L'écran, c'est une barre d'HLM. Vous voyez, quand vous êtes au premier rang au cinéma pour voir un film, bah là, on était au milieu et on avait la même sensation, la même taille, parce que c'est immense. C'est tellement grand. C'est vraiment les gradins. Oh, je te vois même plus. Ah, c'était énorme. Et bah, à ce moment-là, en fait, on avait pris un seau de popcorn. C'est plus un pot de popcorn. C'est un seau. C'est un puits sans fin de popcorn. Non, mais vraiment la taille du truc. Et normalement, c'est pour une personne. En fait. On en avait un chacun. Ouais, on en avait un chacun. Après, c'était trop bien. On critique, mais c'était trop bien. Et un soda qu'il fallait prendre comme ça dans sa main, car bah, il faisait 1 milliard de litres. Exactement. Non, mais je crois qu'il faisait 1 litre. 1 litre par personne. 1 litre de coca. Ce qui est beaucoup, hein. En fait, t'as mangé théoriquement après être au cinéma. Bah oui. C'est bien, en fait. Ils pensent à la productivité. Ils sont motivants, tu vois. Oui. Si tu veux accomplir plus de choses, tu vas au cinéma, tu vois. Alors, certes, bon, tu vas manger pendant 2 heures, mais comme t'auras mangé en même temps, bah, tu gagnes du temps, en fait. C'est parfait. C'est ça, bien sûr. C'est la motivation. Le Joker, toujours. Hein. Les Joker quotes. Non, mais franchement, Joker quotes. Citation du Joker. Ça n'a aucun rapport avec le Joker. Citation d'un fou qui veut tuer tout le monde. C'est même pas motivant, rien. C'est juste, il a mis une image du Joker et il a dit ça, c'est le Joker. Ça. Il a fait ça, ça clique. J'ai mis collé en branding et je peux vous dire que. Oui. Bah, c'est parfait. Hein. Ok. Bon, bah voilà, peut-être une toute dernière quote de motivation avant de se quitter. J'en ai une bonne, alors c'est même pas une citation, c'est une image hein, où il y a écrit « Je déteste être en froid avec quelqu'un que j'aime grave, c'est fou ». C'est-à-dire que t'imagines, on s'apprécie, on est en froid, et bah je déteste. Bah oui. Attends, voilà, c'est tout. J'en ai une autre, moi. Ah, attention. C'est toujours sur le même compte qu'avant. Ouf. Et genre, vous vous souvenez quand ce compte a publié « Quelqu'un vous dit que c'est impossible ? Faites-le deux fois et ouais, prenez en photo. » Bah là, il y a une autre quote qui est « Difficile ne veut pas dire impossible. Vous pouvez le faire. » Mais alors, du coup, c'est en contradiction avec le truc d'avant. Parce qu'avant, quand c'était impossible, tu pouvais le faire. Alors que là, on dit difficile ne veut pas dire impossible. Donc impossible pour eux, maintenant c'est impossible. Je comprends plus. Ils m'ont embrouillé. Je suis Attends, plus motivé. Il y a trop d'informations là. Oula. Cerveau en explosion. Cerveau en éruption. En éruption, c'était Jimmy Neutron, c'est ça ? Jimmy Neutron. Oh là là, incroyable. Incroyable. Mais je trouve que les graphismes. Les graphiques. Les graphiques. Attends. Non mais en fait, c'est vraiment trop drôle. C'est trop drôle parce que c'est vraiment le principe est bien. Oui. Mais cette façon c'est tellement nié et ridicule. C'est oui, c'est premier degré. Si tu attends jusqu'à ce que tu sois prêt, tu attendras le reste de ta vie. Qui est un vrai message, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bon moment pour faire un truc, tu vois. C'est juste tu le fais ou tu le fais pas. Hashtag Yoda. Et there is no try, tu vois. Tu le fais ou tu le fais pas. Et si tu le fais et que ça se passe mal, t'apprends. Mais le truc, c'est que moi, par exemple, ça, je trouve ça vraiment. Enfin, c'est pas en lisant ça que voilà. Tu vas faire des c'est trucs. C'est ça. Après, je pense que ça peut quand même en vrai motiver des gens. Peut-être, ou alors, non, à mon avis, c'est de la motivation intellectuelle. C'est-à-dire que la personne laissée, elle se dit « Oh, je suis grave motivé là ». Mais bien sûr, c'est ça qu'il faut faire, tu vois. Ouais. Sauf qu'en fait, elle fait rien. Elle fait rien. Je pense que c'est ça. Parce que c'est comme tous ces gens qui lisent, et Dieu sait que je l'ai fait aussi, tu vois, quand t'achètes beaucoup de livres et tu les lis jamais, en fait. Juste, tu dis « Ah ouais, vas-y, je vais changer, je vais m'acheter un livre, machin. » Il est là, ils sont la là. Vie, en fait. Mais bon, après, voilà, personne n'est parfait, bien évidemment. Mais ouais. ce qui est vraiment marrant, en fait, avec ces trucs de motivation sur Insta, c'est clairement, c'est « Attends, mais t'es extrêmement musclé, en fait. » Toi, t'es motivé, toi. Ça veut dire que tu vas à la salle. Hein. Ah oui, je vais à la salle, je suis motivé. Alors écoute, je te propose que ça soit le mot de la fin. Oui. Comment motiver les gens ? Une phrase pour les motiver, c'est parti. Pour aller à la salle ou tout faire. Pour tout faire. Tu vois, ils ont l'Everest. Il faut que tu trouves un truc aussi motivant que la phrase qu'on avait avant. C'est-à-dire qu'une personne D'accord. qui est en fauteuil roulant, elle doit pouvoir, après t'avoir entendu, gravir l'Everest. Ok. C'est parti. Alors, vous voyez quand il y a quelque chose que vous pensez impossible. Bien sûr. Quelque chose où vous dites « Non, je ne pourrai jamais réussir à faire ça. » Évidemment. En fait, pour le faire, oui. J'ai la solution. Oui ? Il suffit de le faire. Quoi ? Bah, tu le fais. Et après, c'est Attends, plus mais impossible. Je peux être tout motivé, ça veut rien dire, ça. Mais si. Mais non, mais je veux mais des si. Images. Je veux quelqu'un en train de sauter dans une forêt pour dire « Allez, c'est parti, là !» Ah, pardon. Bah, je peux sauter, moi, mais je sais pas si... Mais c'est nul. Ah. Et un petit maquillage de Joker, peut-être. Ah, ça, bah... Très motivé, là. Je peux te conseiller un compte qui s'appelle Joker Quotes. Ouais. Et qui te permettra de voir des phrases... Bon, peut-être pas du Joker. Ouais. Et peut-être pas du tout ce qu'il aurait pu dire, mais... Enfin, ça. Est-ce que c'est motivant, au moins ? Il y a des images du Joker. Ouais. C'est tout. C'est nul. C'est nul. Non, mais voilà. Évidemment, ça fait quand même rire. En vrai, si ça vous motive... Go for it. Oui. Parce que je suis sûr que c'est important. Moi, j'ai ce truc, par exemple, avec les livres, tu vois. Bon, les livres, c'est autrement plus développé, tu vois. J'en fais. Bon, les livres, c'est autrement plus développé. Tu veux dire plus que deux lignes plus que deux, sur un... Plus qu'un tweet, en fait. Tweet. Plus que la capture d'écran d'un tweet avec des fautes, bien sûr. Oui, bah oui. En plus, n'oublie pas que... alors, je sais pas pour toi, mais moi, quand je suis en froid avec quelqu'un que j'aime, je déteste, hein. Oh non. Genre j'aime cette personne, je suis en froid, je déteste. Ouais. Oh non. Putain, je l'aime mais je suis en froid. Putain, c'est trop chiant. Putain. Chier là. Ouais, mais bon, après, c'est des épreuves de la vie, tu vois, de construire une carapace. Et voilà. Oui, bah, de toute façon, les gens, ils m'ont trop blessé, maintenant c'est terminé. Je suis un bonhomme, là. Et je peux pas m'empêcher d'être jaloux avec ma meuf. C'est un truc de fou. Genre, d'être quoi? D'être jaloux avec ma meuf. Genre, elle va voir un autre gars et tout, ils couchent ensemble, je suis trop jaloux, tu vois. Je suis comme ça. Bah, ça, c'est plutôt normal, par contre. Ah ouais? Si t'es avec une meuf et qu'elle couche avec un... Oui, mais c'est normal, ce qui veut dire que c'est le cas pour beaucoup de gens. Et si c'est le cas pour beaucoup de gens, ça va faire du retweet. Les gens vont s'identifier. Ah, bien sûr. Mais c'est ça le marketing. Mais réfléchis un peu. Non, en vrai, évidemment, c'est une mécanique qu'on retrouve partout, même dans la chanson. Tu vois, quand t'écoutes une chanson et que les paroles te parlent, bien évidemment, c'est un exutoire. Ça te permet d'évacuer, bien évidemment. Donc, en vrai, c'est important. Ils arrivent à mettre les mots sur les trucs. Les trucs que je ressens, tu vois. Voilà. J'arrive tout ce que je ressens. Il a dit tout. Il a dit. C'est la vérité. C'est la vérité. Et la vie de moi, c'est bon. Non, la vie de moi, il a tout dit. Il a tout dit. Il n'y a rien d'autre à dire. D'ailleurs, fin du podcast. Terminé. Non, en vrai, c'est cool. Donc, si vous faites ce genre de choses, continuez à le faire parce que c'est important. Il y a des gens qui en ont besoin, en vrai. Mais faites-le bien. Faites des trucs bien qui ont du sens, pas juste des trucs niais. N'oublie pas que si tu veux faire un truc, fais-le. Hein. Non mais en vrai, c'est s'il y a vraiment un truc à dire aux gens, c'est tu veux faire un truc, fais-le. En fait, il n'y a pas de bon moment, il n'y a pas de ok, prépare-toi un peu, mais go. Il n'y a pas de. Tu te souviens quand juste avant le podcast, tu m'as dit ne pas regarder le retour écran, mais regarder dans la caméra. Ouais. Bah j'ai regardé le retour écran tout le long du podcast. Oui, je l'ai fait pas mal aussi, mais j'essaye de voilà. Mais bon, étant donné que tu as des muscles, je peux te comprendre. Je suis pardonné. Hein, ça fait que ce matin. Et c'est pas le milliard de photos de toi que tu prends à Walpé pour regarder ton évolution qui vont dire. Ouais, c'est pour ça que je les prends. Non, mais c'est pour être motivé. Oui. Fais un compte Insta où je poste des photos de moi. Mille et un pec de Vincent. Comme il y aura une photo de moi tous les deux jours, il n'y aura pas d'évolution en fait. Tu sais quoi? Je vais te motiver pour la gym et après on s'arrêtera là. 31 cm de tour de bras, c'est beaucoup mieux que 30. Pense-y, mon pote. Oh! Pense-y. Oh, la motivation, elle est là. Oh, c'est que du mental. Oh, c'est que du mental. Le mental. Avant, après. Moi, il y a deux jours. Moi, maintenant. J'aime bien les parodies de ça où tu vois un gars blanc, ultra sec. Et à côté, t'as une photo d'un noir ultra musclé. Avant, après. C'est vraiment trop drôle. En seulement deux semaines. C'est trop drôle. Ah là là, Internet, je t'aime. On t'aime d'ailleurs. On t'aime, Internet. Non, bien sûr, voilà. Écoutez, bon, on a fait un bel épisode d'une 55 minutes à peu près, une petite heure. Voilà. On espère que vous avez passé un bon moment. Ce format, donc je pense qu'on va le garder, ça peut être sympa. Ouais, on peut le refaire. De le faire de vous, c'était même cool, si on s'est bien amusé. J'ai mal aux jambes et que j'aimerais bien manger là, mais... C'est le sport. Et hop là, la chaise romaine. Bref, portez-vous bien. C'est le plus important. Et à la prochaine. Ciao.